Le verbe ziehen, ziehen qui s'écrit Z-I-E-H-E-N, ziehen signifie tirer. Der Zug, c'est l'attraction, ce qui tire. Et plus particulièrement, der Zug signifie le train, ce qui tire des wagons, der Zug. Donc, ziehen signifie tirer. Anziehen, c'est littéralement tirer à soi. On l'emploie pour dire mettre un vêtement, anziehen. Comment diriez-vous « je vais le mettre » en parlant d'un vêtement ? Ich werde es anziehen. Oui, ich werde es anziehen. C'est « je vais le mettre » en parlant d'un vêtement. Donc, on a anziehen. En revanche, pour « je vais m'habiller », on dira « ich werde mich anziehen » en utilisant un verbe avec « sich ». Sich anziehen. Der Anzug, c'est l'habit complet, c'est-à-dire le costume. Der Anzug. Comment diriez-vous « je m'habille » ? Ich ziehe. Oui. Ich ziehe mich. Ich ziehe mich an. Bien. Ich ziehe mich an. Je m'habille. Ich muss mich anziehen. Je dois m'habiller. Ich ziehe mich an. Et il s'habille. Er zieht. Sich. S-I-C-H, oui. Er zieht sich. An. Er zieht sich an. D'accord. Et à votre avis, comment dit-on se déshabiller? Ausziehen. Sich ausziehen. Sich ausziehen. Bien. Ausziehen, cela peut aussi bien vouloir dire retirer ses vêtements, se déshabiller, que se retirer d'un endroit, d'un appartement, déménager. Déménager se dit donc ausziehen. Ich werde ausziehen. Je vais déménager. Et le déménagement, c'est der Auszug. À vous. Der Auszug. Zug, c'est donc l'attraction. Der Zug, le train. Et der Auszug, le déménagement. Le petit mot aus exprime un mouvement vers l'extérieur. Le mouvement contraire est exprimé avec ein. Alors, à votre avis, comment dit-on l'emménagement? Einzug? Tout à fait. Einzug. Der Einzug, c'est l'emménagement. Der Auszug a aussi le sens d'un extrait de texte ou d'un exode, comme celui des Juifs hors d'Égypte dans l'Ancien Testament. Der Auszug aus Ägypten. Der Auszug, l'exode, c'est la fuite hors d'eux. Der Auszug aus Ägypten. Umziehen, veut dire autour, et umziehen, c'est changer d'endroit, déménager. Ich ziehe je déménage. Et comment direz-vous « nous déménagerons »?« Nous allons déménager ». Donc là, vous allez avoir besoin d'un verbe porte-manteau. Wir werden umziehen. Oui, wir werden umziehen. Nous déménagerons. Der Umzug a aussi le sens de « déménagement ». Durchziehen, c'est tirer quelque chose à travers. Der Durchzug, c'est le passage, mais aussi le courant d'air. Durch signifie en effet à travers.